c'est Gaël sur RDB pour votre nouvelle émission Zik Actu. Ce sera tous les mardis soirs de 20h à 21h et je dis déjà une bêtise, ça sera un mardi sur deux. Donc voilà, l'idée ici c'est de vous faire découvrir des nouvelles actualités musicales, de parler des groupes qui viennent de sortir un album ou qui viennent de sortir un single et d'écouter ensemble du coup ces découvertes. Vous pouvez participer à la programmation de l'émission en vous connectant dès maintenant sur la page Facebook Zik avec un K à la fin, Actu RDB, et donc nous faire découvrir vous aussi vos découvertes. Voilà, sur l'actualité musicale. On commence tout de suite par deux morceaux qui sont pas du tout des actualités, mais qui sont quand même des grands morceaux et qui ont un lien avec l'actualité. Je vous passe les deux morceaux et je vous laisse deviner le lien entre les deux et le lien avec l'actualité. Sound, you kill the egg, so don't stop, get it, until you Voilà, c'était donc les deux premiers morceaux de Zik Actu. Vous avez reconnu le premier morceau, c'était Blur avec Song 2. Et le deuxième morceau, c'était un titre de Gorillaz qui s'appelle Feel Good Inc. Pour Inc Corporation, j'imagine. Et donc le lien entre les deux, me direz-vous? Alors, le lien, tout simplement, c'est le chanteur et le leader de ces deux groupes, c'est-à-dire Damon Albarn. Donc Blur, c'est un groupe qui a été créé à Londres en 1989, et Gorillaz, si je dis pas de bêtises, vous pouvez me corriger sur internet, je dirais 1998. Voilà, Gorillaz qui a priori n'existe plus, qui était en fait un groupe un peu conceptuel, qui alliait en fait Damon Albarn, donc compositeur, à un graphiste du nom de Jamie Hewlett, qui a notamment travaillé sur les comics Tank Girl. Voilà, qui sont excellents d'ailleurs, que je vous conseille. Et donc Damon Albarn, donc qui est le leader de Blur et de Gorillaz, a sorti enfin, après une vingtaine d'années de bons et loyaux services dans tout un tas de projets, avec des musiciens du Mali, des musiciens de l'Amérique du Sud, avec Bobby Womack aussi, avec même Amadou et Mariam aussi. Il a fait une chanson pour Amadou et Mariam qui est super chouette aussi, que je vous conseille. Il a enfin donc sorti son premier album solo, Damon Albarn, qu'on écoute tout de suite avec Lonely Press Play. C'était donc Damon Albarn sur RDB avec Lonely Press Play. Je sais pas vous, mais moi ce titre il me parle, c'est pour ça que je l'ai choisi. Musicalement il me parle, mais le titre du morceau Lonely Press Play, si tu te sens seul, appuie sur lecture en fait, tout simplement. Voilà, je trouve ça chouette comme idée. On continue avec donc un album qui est vraiment tout frais, qui vient juste de sortir, mais celui-là beaucoup plus discrètement, puisque c'est un album d'une amie suédoise qui s'appelle Lovisa Samuelsson, que je salue si elle nous écoute, qui donc elle aussi officie depuis très longtemps en Suède, mais pas seulement. Elle a fait pas mal de tournées en France, pas mal en Europe en fait, et là elle vient enfin de sortir son premier album qui est super chouette, qui s'appelle Main Magma Chamber. Voilà, qui est vraiment excellent, je vous le conseille, c'est Lovisa Samuelsson. On écoute un morceau en suédois, voilà, parce que c'est pas commun et que ça fait plaisir d'entendre d'autres langues. Je tente le titre Et Annat Nu. Thank you. Voilà, je laisse un peu en fond sonore. J'hésitais à le laisser jusqu'à la fin, mais vraiment, cette fin, je dirais que c'est un accordéon diatonique. Vous pouvez me dire si je me trompe aussi sur Facebook. Je trouve ça assez magnifique avec des petits oiseaux derrière, là, ça détend. À 20h18 sur RDB, je pense que c'est exactement ce qu'il nous fallait. On va continuer en Europe du Nord, nordique, avec un groupe qui s'appelle The Do, avec une chanteuse finlandaise. Donc c'est un duo franco-finlandais, et qui vient de sortir un nouveau single qu'on écoute tout de suite. Pour un troisième album, The Do, c'est donc le Do comme la note de musique. Un troisième album qui a l'air pour l'instant un peu plus électro, un peu plus répétitif, mais qui a l'air d'avoir son charme aussi. Pour se remettre un peu le groupe en tête, on va écouter le premier morceau de l'album précédent. C'est Dust It Off, que personnellement je trouve magnifique. Dreaming. Le premier morceau de leur deuxième album. J'interromps cette programmation par une intervention Facebook qui me conseille fortement de passer un album qui vient de sortir de Dan Silla. Voilà, c'était aussi le but de cette émission, c'est que vous puissiez intervenir à tout moment et faire découvrir quelque chose. Dan Silla, si je dis pas de bêtises encore une fois, je pense l'avoir déjà rencontrée, déjà croisée sur Valence. Je crois que c'est une chanteuse de Valence. Et donc elle joue avec un groupe qui s'appelle Magnetic Orchestra, qui vient de sortir un album. Et on m'a envoyé un lien en direct sur YouTube que je vous fais écouter. Alors le problème, c'est ça les aléas du direct, c'est que ça part pas forcément quand on veut. Ça va venir. Tends-moi les bras. Encore une fois. Même si on sait que c'est pas comme ça. Tends-moi les bras qu'on s'oubliera. Encore une fois. Tends-moi les bras. Même si on sait. Encore une fois. C'est pas comme ça qu'on s'oubliera. Tends-moi ta main. Tends-moi tes mots. Tends-moi tes gestes maladroits. Tends-moi les bras, murmure-moi toutes les belles choses que l'on fera, tous les matins que l'on verra. Tends-moi les bras, raconte-moi que tu adores me réveiller, que tu ne me vois pas assez. Tends-moi les bras, effleure-moi de tes caresses qui me brûlent, de tes je ne désire que toi. Tends-moi les bras, enlace-moi, embrasse-moi, je veux revivre une fois encore quand nos deux corps sont à l'étroit. trop de soi, tends-moi les bras. Encore une fois, tends-moi tes cris et mes sanglots parce que l'on va se faire la peau. Tends-moi mes pleurs et ton effroi. Tends-moi non, j'ai trop peur de toi. Tends-moi que l'amour n'a pas de loi. Tends-moi les bras, tends-moi ma haine, tends-moi mes doutes et tes mensonges. Je me dégoûte et non, je ne déchire que toi. Tends-moi les bras. Comme vous pouvez l'entendre, c'était donc un live de Magnetic Orchestra avec Anne-Sylla au chant. Et vraiment, c'est magnifique. Merci à François pour cette découverte. C'est super chouette. Ça fait. Voilà, c'est profond, c'est en français. Et c'est vrai que c'est pas ma spécialité. Donc n'hésitez pas à partager des groupes, particulièrement des groupes français qui chantent en français. Les groupes français, j'en connais, mais des groupes qui chantent en français, j'en ai un peu moins en réserve. Du coup, voilà, si vous voulez retrouver ça, je crois que François l'a posté sur la page de l'émission, donc Zik Zadika Actu RDB. Et sinon, vous tapez Magnetic Orchestra sur YouTube. On continue avec un autre groupe français, mais qui ne chante pas en français, qui s'appelle In the Canopy. On reste encore un peu dans les copains, je dois vous l'avouer. Voilà, le batteur de ce groupe s'appelle Thomas Chalindard. S'il nous écoute, je le salue bien bas et je le félicite pour son parcours, parce que vraiment, il joue dans plein de groupes et plein de groupes magnifiques. Et In the Canopy, je crois que c'est vraiment mes chouchous. Un groupe parisien qui sort ce single, 1, 2, 3, 4 Hands, qui est absolument magnifique, avec un clip magnifique aussi que vous pouvez voir donc sur YouTube. Je vous le passe tout de suite. C'était In the Canopy avec 1, 2, 3, 4 Hands. Moi personnellement, je le trouve excellent ce morceau. Donc voilà, c'est vraiment un groupe à suivre. Pour l'instant, il n'y a que ce morceau, on va dire, qui vient de sortir. Il n'y a pas d'album encore. À mon avis, ça ne va pas tarder. Et je suis sûr qu'on entendra vraiment parler de In the Canopy. On continue avec un autre groupe français, cette fois qui chante en français, qui est beaucoup plus connu, Fauve. C'est un petit événement en France. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une personnalité et une proposition qui est vraiment intéressante et voilà, qui prend aux tripes aussi. Il y a quelque chose voilà, de non consensuel pour une fois et ça passe en radio pas mal de fois. A priori, pas sur la radio, pas sur les ondes de RDB. Donc, et en tous les cas, cette chanson ne passe pas à la radio tout court. C'est de ce. Voilà, c'est un hymne. Que moi je trouve assez fort. Je vous fais écouter. Nous sommes de ceux qu'on ne remarque pas, des fantômes, des transparents, des moyens. Nous sommes de ceux qui ne rentrent pas en ligne de compte. Nous sommes de ceux qu'on choisit par défaut. Nous sommes de ceux qui ont la peau terne, les traits tirés et le regard éteint, des visages pâles, des teints gris. Nous sommes de ceux qui se délavent de jour en jour. Nous sommes de ceux qui ont du mal à s'entendre penser. Nous sommes de ceux qui se maîtrisent difficilement. Nous sommes de ceux qui mettent mal à l'aise en public. Nous sommes de ceux qui dérapent dans les escaliers des bibliothèques. Nous sommes de ceux qui dansent de façon embarrassante. Nous sommes de ceux qui font l'amour en deux temps. Nous sommes de ceux qui s'y prennent à l'envers avec les autres. Nous sommes de ceux sur lesquels on parie jamais. Nous sommes de ceux qui savent plus raisonner de façon logique. Nous sommes de ceux qui ont tout fait comme il faut, mais qui arrivent pas, des ratés modernes, des semi-défaites, des victoires sans panache. Nous sommes de ceux qui tiennent pas la pression. Nous sommes de ceux qui se font balayer à répétition. Nous sommes de ceux qui se font assister, des baltringues, des éclopés, des faibles. Nous sommes de ceux qui prennent des trucs pour tenir le coup. Nous sommes de ceux qui savent pas dire non, qui connaissent pas la rébellion, qui soutiennent pas les regards. Nous sommes de ceux qui sont tabous. Et pourtant, nous sommes de ceux qui ne renoncent pas, des chiens enragés, des teigneux, des acharnés. Nous sommes de ceux qui comptent bien devenir capables de tout encaisser. Nous sommes de ceux qui établissent des stratégies dans l'obscurité pour reprendre la main, jouer selon leurs propres règles et forcer le destin. Nous sommes de ceux qui en ont assez de leur propre férocité. Des requins tigres en bout de course, des voyous qui demandent pardon, des apprentis repentis. Nous sommes de ceux qui veulent à tout prix tabasser leur part d'ombre et faire taire leur sale travers. Nous sommes de ceux qui cherchent à rejoindre les rangs des lions, des maquisards, des résistants, des sentiments. Nous sommes de ceux qui roulent pour eux et pour leur périmètre. Nous sommes de ceux qui pissent encore dans la douche mais qui espèrent réussir un jour à pisser droit. Nous sommes de ceux qui cherchent à désarmer la mort à coups de grenades lacrymo pour l'effrayer et la maintenir à distance. Nous sommes de ceux qui espèrent croiser la vie un soir au détour d'une avenue pour la séduire, la ramener et lui faire l'amour de façon brûlante. Nous sommes de ceux qui ont les yeux écarquillés en continu, des ahuris, des ébahis qui guettent les comètes, les planètes et les épiphanies. Nous sommes de ceux qui cherchent à déterrer ce qui est enfoui, tout ce qui est caché et qui demandent qu'à être sorti. Nous sommes de ceux qui veulent rétablir le contact avec ceux qui sont partis trop tôt parce qu'ils savaient pas qu'il y avait une fin cachée. Nous sommes de ceux qui continueront à courir comme s'ils étaient poursuivis par les balles qui desserreront jamais les mâchoires sauf pour sortir les crocs. L'équipe qui était la moins capable. On sera jamais rationnel avec ce type de lascar. Faut composer avec. On a adapté un jeu différent. Il n'y a que les inconscients qui vous diront le contraire. Ça va être irrationnel. Mais sans qu'on se casse la gueule. Voilà un extrait de leur album Faux Frère, Vieux Frère, pardon, qui est sorti au début de cette année. On continue avec des morceaux un peu plus rock. Il nous reste encore 20 minutes à passer ensemble. Et si vous le voulez bien, je pense que ça risque d'être un peu plus rock. On continue donc avec The Black Keys qui sortent un nouveau single, donc un album aussi qui va pas tarder, qui s'appelle donc, ce morceau s'appelle Fever. C'est parti. Thank you. C'était les Black Keys avec Fever. Ils ont toujours leur gros son blues rock qu'on leur connaissait. Moi, personnellement, je suis un peu moins emballé par ce single que par les singles de l'album précédent, que je vous conseille de réécouter. Donc, The Black Keys, les clés noires, si vous préférez en français. Voilà, c'est un très bon groupe, hein. Mais voilà, à voir avec l'album en entier. Je voulais vous parler aussi d'une autre actualité, beaucoup plus triste cette fois. C'était donc le 5 avril 2014, on célébrait en tous les cas les 20 ans de la mort de Kurt Cobain, voilà, qui est décédé à l'âge de 27 ans à son domicile. C'est, voilà, j'ai un petit texte à vous lire à ce sujet, donc c'est Gary Smith, en fait. Ce nom vous dit probablement rien, pourtant il s'agit de la première personne à avoir vu le corps inanimé de Kurt Cobain au matin du 8 avril 1994. Venu vérifier le système d'alarme du domicile de l'icône de la scène grunge, l'électricien fera une macabre découverte en poussant la porte. 3 jours plus tôt, Kurt Cobain s'était donné la mort en se tirant une balle dans le menton. Peu de temps avant de commettre l'irréparable, le musicien rédige une lettre adressée à Boda, son ami imaginaire, lorsqu'il était enfant, dans laquelle il déclare ne plus avoir ressenti d'émotion en écoutant ou en composant de la musique depuis trop longtemps. Et le courrier se termine sur un extrait de la chanson « Hey My My » de Neil Young. « It's better to burn out than to fade away. » Il vaut mieux brûler d'un coup que de s'éteindre à petit feu. Voilà, Kurt Cobain laisse derrière lui une veuve, Courtney Love, une orpheline, Frances Bean, qui n'a pas encore fêté ses 2 ans, et des millions de fans qui rendront hommage à leur idole au cours des semaines qui suivront sa disparition. 20 ans plus tard, le répertoire de Nirvana n'a pas pris une ride et traverse inlassablement les générations. Donc voilà, c'est un peu, c'est un anniversaire un peu terrible, mais ouais, peut-être qu'il a eu une overdose finalement de musique, tout simplement. Peut-être qu'il en a trop joué, trop fait, peut-être qu'il avait trop de fans et qu'il n'a pas pu supporter tout ça. Ou peut-être qu'il a été assassiné, mais ça c'est un autre débat. Du coup, on va commencer par écouter un extrait en tous les cas du titre dont est cité dont est extrait la citation de Kurt Cobain. It's better to burn out than to fade away. Donc il vaut mieux brûler d'un coup que de s'éteindre à petit feu. C'est Hey My My de Neil Young. C'était Neil Young avec My. Et je savais que cette émission devait être participative, parce que je savais que j'allais dire des bêtises. Et fort heureusement, j'ai été corrigé donc sur Facebook. The Black Keys, ça veut pas dire les clés noires. Enfin, quand même, je suis désolé, ça veut quand même dire les clés noires textuellement. Mais non, c'est plutôt les clés noires, les touches noires, pardon, du piano, en fait. Donc je remercie Stéphanie Pader et Florent Gros, mes traducteurs de toujours, pour cette précision. Merci à vous. Vous pouvez donc tous participer sur la page Facebook de l'émission Zik Zedika Actu RDB, voilà, pour me corriger notamment. On continue du coup en écoutant Nirvana, parce que je pouvais pas faire un hommage à Nirvana sans écouter Nirvana quand même, ça serait dommage, avec un morceau que j'aime beaucoup, qui était sur Nevermind, qui était pas du tout le plus connu, mais que je pense que c'était mon préféré, et c'est toujours mon préféré. Voilà, une chanson où ça crie à la fin. Moi, j'aime bien les chansons qui crient à la fin. C'était Territorial Pissings de Nirvana sur l'album légendaire Nevermind. Et dans Nirvana, il y avait bien sûr Kurt Cobain, mais pas seulement. Il y avait un batteur qui s'appelait Dave Grohl, qui est vraiment un batteur exceptionnel, mais qui est aussi un chanteur et un guitariste, notamment du groupe Foo Fighters. Alors là, j'ai un choix cornélien. On n'a plus beaucoup de temps et j'hésite entre Foo Fighters, donc le groupe de Dave Grohl, et Them Crooked Vultures, un groupe où Dave Grohl joue de la batterie. Donc voilà, Foo Fighters chanteur ou Foo Fighters batteur. Bon, je crois que quand même, je suis désolé, mais ma préférence va pour Them Crooked Vultures, un groupe incroyable avec Dave Grohl à la batterie, le chanteur de Queen of the Stone Age au chant et à la guitare, et je crois bien qu'il y a le bassiste de Led Zeppelin. On écoute New Fang. We'll be right back. C'était New Funk de Them Crooked Vultures, un morceau qui envoie du lourd avec une tonde de basse incroyable, hypnotique, vraiment un de mes morceaux préférés de leur album. Ils en ont sorti qu'un seul. C'est ce qu'on appelle un super groupe avec du coup que des stars, et donc ils sont bien pris par leur groupe respectif. Je sais pas si on verra un jour un deuxième album, mais si ça arrive, ne vous inquiétez pas, vous en serez les premiers informés. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission, de cette première émission de Zik Actu. Et je voulais déjà vous remercier à tous d'avoir participé sur la page Facebook de l'émission pendant la semaine pour me proposer des musiques. Et pendant l'émission aussi, j'ai eu des belles interventions. On a découvert pas mal de choses. Pour faire un petit récapitulatif, vous avez donc l'album de Damon Albarn qui vient de sortir, qui s'appelle Everyday Robots. Donc Damon Albarn qui est le leader de Blur et de Gorillaz, qui sort son album solo. Je vous ai conseillé un petit album suédois aussi, mais qui est en fait d'une grande artiste qui s'appelle Lovisa Samuelsson, qui sort son album donc qui s'appelle Main Magma Chamber, que vous pouvez retrouver notamment sur Spotify. Ensuite, on est passé à la Finlande, avec un groupe franco-finlandais, The Do, qui ont sorti trois albums, qui préparent leur troisième album. Les deux premiers sont excellents et vraiment je vous les conseille particulièrement le deuxième, voilà, qui s'appelle Both Days Open Jaws. Alors ça pareil, il faudra des conseils de prononciation si quelqu'un veut me corriger sur Facebook. On a aussi écouté In the Canopy, un groupe parisien qui va bientôt sortir son album. Donc il y a un single qui s'appelle 1, 2, 3, 4 Hands avec un clip qui est super chouette que je vous conseille. On a écouté Fauve qui sort un album qui est sorti il y a quelques mois, The Black Keys pour un album qui va bientôt sortir, et puis voilà, un petit hommage à Kurt Cobain qui nous a quittés il y a 20 ans déjà. Je vous laisse avec la programmation régulière de RDB, il est 21h et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. On parlera notamment de la programmation du Festoche qui aura lieu à Colombier-le-Vieux. Bonne soirée à tous et merci de rester à l'écoute de RDB.